Bismillahirrahmanirrahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahullah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. 15e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عندك يا عبد الرحمن ما هو المرسل؟ إيصال توابع ما هو المفرد شباك بتي باساج مجاور سي à côté, son voisin. Janib. Côté. Irsel. Un envoi. A'la. Plus haut. Aïsar. La gauche. Yamin. La droite. Lada. يديه ولدينا وديه لديك أيضا ما الفرق بين لديه رسالة وعنده رسالة عنده جلية مخصة بصورة لديه جلية كنا اليوم الرابعة هكذا؟ رابعة طيب الجملة الأولى عندك تقرأ الجملة مباشرة كم كمات رسالة كم إيش؟ كم كمات كمات قيمة كم après c'est pas C'est pas obligatoire. Là, tout est là. Les harakas à soi. Il n'y a pas à les changer. Kem ki matou. Kem ki matou. Naam. Risalatou musajjala. Naam. Taïb. Thanyan. Thanyan. Tawabi'a. Fi shubbati mujawir. Naam. ثالثا لدي رسالة مسجلة نعم رابع إسلام خمسة ريالات نعم خامس أريد أن أرسل رسالة أن أرسل لا أرسل أرسل نعم أريد أن أرسل رسالة إلى تركيا نعم تركيا ثالثا هل كتبت اسم المرسل أيضا نعم سابع باع الطبيعة طبيعة الأعلى على الجنب أين؟ أكبر باع الطبيعة الطبيعة على أعلى على الجنب تكون تنقم أعلى أو أعلى؟ أعلى لا أنت يا أعلى وخبي ما لم يعلى أعلى إيش كتبت أنت؟ ضع طابعة على جانب الأعلى نعم

Là, c'est des حرف جار. طيب حرف جار. On a min, on a ila, on a bi, on a li, on a fi, on a an, on a ala. Il faut le placer dans les phrases, dans les trous des phrases. Et je mets l'oula. Zahba Mahmoud. Attends, le trou. Al-Sakani, trou. Al-Madrasa. Donc là, il faut mettre les lettres qui correspondent. Thanien. Wassala Ismailu, trou. Al-Hafilati. Thalisan. سأل إبراهيم الموظفة ندخل مكتبي البرقيات رابعا وضع أحمد القلم ندخل الحقيبة خامسا جلس علي في المكتبة ندخل يقرأ الصحف سادسا كتب المدرس ندخل السبورة هذا في البيت إن شاء الله. والجمل سهلة. tous les mots là ils sont connus. ندخل في جزء إقراء. هاي قصير. باشر. certains دروس sont ils sont courts d'autres sont plus longs. ils font partie des cours. comme la semaine de hier pareil il était court. نعم الكلمات الجديدة أشار يشير كي veut dire indiquer المصدر c'est إشارة comme اسم إشارة أشار يشير التالية ce serait suivante par exemple الجمل التالية les phrases suivantes مثلا c'est التالية C'est Tali, c'est quoi le masculin? Hein? Tali. Tali. Yunahi'u, c'est... annoncer mais une bonne nouvelle. Hanna'a. Féliciter en fait. Yuhanni'u. C'est un ism. Non, c'est un fi'l. Voilà. Et c'est Islara, il a la même Islara. Bon, comment on dit là? Annoncé, on va dire ça. Avec l'un, avec l'un. C'est pas la même annonce. Là, c'est comme une sorte de félicitation ou. Chose comme ça, attends. Il va dire quoi dans le. Regarde à la fin, lui, qu'est-ce qu'il dit exactement? Ouais, c'est ça, ouais. Abshara ou Bashara. Mais quand on dit Ashara Yushiru, c'est comme Dalla en fait, c'est indiquer le chemin, Dalla. Ça peut avoir le sens comme ça, non? Ashara. Ouais, c'est ça en fait, ça a annoncé une bonne nouvelle, genre. Il y a cool. Genre j'ai informé des étudiants et de la réussite de l'examen par exemple. Voilà. Ça annonce une bonne nouvelle quoi. Et au passé on dit Hanna'u. Hanna'a. Hanna'a. Mais Hanna'a tout. Non. يقرأ يقول Ibrahim la ya'lifu ayna maktabul barqiyat. Ibrahim ne sait pas où se trouve le bureau du télégramme. Ah ouais, non, pas vu. J'ai comme terminé. Al-Najah, c'est la réussite. Al-Najah, c'est la réussite. Succès. Akhbara, yurbiru, c'est informé. Akhbara yurbiru, ça veut dire informé. Istalama istalimu, on l'a déjà pris, ça veut dire quoi? Recevoir, récupérer. Non, Fanoïd. Ibrahim la ya'lifu ayna maktabul barqiyat. Donc Ibrahim ne sait pas où se trouve le bureau de télégramme. سأل إبراهيم الموظف عنه. Donc Ibrahim a interrogé l'employé à ce sujet, à ce propos, c'est-à-dire à propos de, du bureau de télégramme. فأشار الموظف بأنه خلف مكتب الطرود. Donc l'employé lui indiqua qu'il se trouvait derrière le bureau des colis. وصل إبراهيم مكتب البلقيات. Ibrahim arriva à l'agence, au bureau de télégramme. وَأَخَذَ وَرَقَةً بَيْضَى لِيَكْتُبَ عَلَيْهَا بَرْقِيَةً عَادِيَةً. Et il prit une feuille blanche afin d'y écrire un télégramme normal. Donc après ils ont fait... سَلَّمَ إِبْرَاهِيمُ الْمُوَظَّفَ الْبَرْقِيَةَ تَالِيَةً. Donc Ibrahim donna à l'employé le télégramme suivant. Et ensuite, ils ont fait un dessin que le contenu du télégramme. Et salama, c'est le contraire, on dirait. C'est donner. Donner et l'autre recevoir. Mm. Salama. Tamam. Et dans le, quand on dit Khabara et Khabara, ils ne disent pas Khabara. Khabara ? Là, je connais pas. Chut, je dis. Hein? Akhbara, c'est informé ou. Informé. Tayyib, Awalad Yakul, donc là, c'est les questions sur un important texte. An Ayy Shayin Sa'ala Ibrahim al-Muwazzaf. Tayyib, à propos de quelle chose Ibrahim a-t-il interrogé l'employé? Naam, Aïch. ثانياً أين مكتب البرقيات؟ هو البيرو للتليغرام. ثالثاً ماذا ملأ إبراهيم؟ كاسك إبراهيم أغمبلي. رابعاً لمن سلم إبراهيم البرقية؟ أكي إبراهيم أتيل غندو للتليغرام. خامساً إلى أين أرسل إبراهيم البرقية؟ ويرو إبراهيم أتيل غندو للتليغرام. سادسا لماذا أرسل إبراهيم البرقية وكيف إبراهيم تنوي التليغرام والثانيا لا رسله في البعض فسيولي فاتفو من مجهة الله ثانيا أيوة لماذا quand tu vas lire tu vas comprendre طيب نكفوز إلى الثالث مباشرة. On va directement au 3 derrière. Falisan yaqul imla al faraghat fi al jumal atiya bi ihtiyal kalimat al munasibah mimma yali. Donc remplis les trous dans les phrases suivantes en choisissant les mots qui correspondent comme ce qui suit. Al najah kamilan wa yushiru. Yushiru, c'est le mudari de ashara. Et les phrases sont awalan lam lima kun taktubu rakma sunduk al barid uktub al unwan. Donc il dit pourquoi écris-tu le numéro de la boîte postale, on va dire, écris l'adresse. Je pense que c'est lam taktub. Là, c'est. Tu n'as pas écrit. Ouais, bah, il y a une erreur ou dans le lem ou dans le tactum. Pourquoi là, c'est quoi? On voit le lem, ils ont repris, tu vois. Ouais, c'est lem. Donc en fait, c'est une erreur, c'est tactum, c'est une formation de Sukun. C'est lem, tactum, Sukun, pas de Dhamma. Donc tu n'as pas écrit le numéro de la boîte postale, écrit l'adresse complètement, entière, en fait, complète. Bon, allez, comme ça. Thaniyan. Hanna'a Aliyun ibnahu di. Donc Ali a annoncé à son fils, et là vous mettez le mot qui manque. Thalithan. Al-Muwazzafu ila Shubbaki al-Mujawar. L'employé. En mettant le mot qui convient, à la fenêtre, elle est mise à côté. Ah, cadre. Donc, ça, c'était quoi, Amdoïla? Fille assise là. Taïb, fais la kifouna. Il y a des malades.